si on évidemment, hein, l'idée, c'est qu'ensuite la parole recircule. Hein, on te redemandera des précisions sur vos premières bandes et sur la technique. Le sol n'était pas étroit. Et cette expression me fait penser à l'expression de Jean-Henri qui a été prononcée tout à l'heure, qui est celle du sous-marinier. Le sous-marinier mentionné tout à l'heure. Je peux dire ça aussi de Barker. Hein. Il avait un côté sous-marinier. C'est-à-dire, c'est comme si la vidéo avait un côté sous-marinier. Parce qu'il faut travailler beaucoup dans la soute, hein, parce que ces appareils électroniques, tout ça, etc., on savait pas trop comment ça marchait, hein, quand même. Hein, je veux dire. Et tu vois, Chris, c'est pareil. Chris, il restait dans sa cave de sous-marin, chez Domand, il faisait ses trucs, tout ça, etc. Puis un jour, hop, ça sortait. À propos de Chris Marker, eh bien, le lien est tout trouvé pour donner maintenant la parole à Anne et Jean-François autour de votre propre parcours, alors en 68, puis surtout un petit peu après 68, votre expérience au sein de Sloan Video, plutôt quelques précisions sur Sloan Video, parce que donc Catherine Roudet, qui fait sa thèse autour de Sloan Iskra, a retrouvé donc, dans les archives aujourd'hui donc, un certain nombre de documents, et notamment les statuts de l'association Sloan Video. Et donc nous avons, nous ensuite, tapé à votre porte à tous les deux pour en savoir davantage, puisqu'en réalité, on retrouve Anne, ici, trésorière de l'association Sloan Video. Est-ce que du coup, voilà, vous pouvez nous parler un peu de cette expérience-là, de votre parcours, la rencontre en amont effectivement avec Chris Marker, le travail mené au sein de Sloan Video, etc. En 68, je ne me souviens pas qu'il soit passé quoi que ce soit en matière de vidéo en ce qui nous concerne. D'abord, on ne se connaissait pas. Et mon premier souvenir de vidéo date d'un jour où Chris Marker nous dit « Si vous voulez voir quelque chose de nouveau et d'intéressant, venez donc chez Carole et Paul Roussopoulos rue de l'Odéon. » Et on est allé voir. Alors, il y avait Chris Marker, il y avait Carole et Paul, il y avait Antoine Bonfanti, le père de tous les ingénieurs du son, à quatre pattes derrière, un IVC 871. Je suis désolé de faire un saut technique et temporel, et chronologique, pardon. Mais je crois que Carole et Paul venaient de recevoir l'engin qui permettait enfin de faire du montage un peu sérieux. Et ils étaient à plusieurs à essayer de voir comment ça marchait, à mettre au point le système. Et puis on est revenu, je crois, 8 jours plus tard, et là ils étaient en train de monter le phare, donc ça marchait. C'est moi les seuls souvenirs que j'ai bien précis. Quant à Sloan Video, alors là... J'en avais pas le souvenir, mais enfin, moi j'étais employée. ça n'a pas dû être déposé officiellement, hein, je pense. Si, si, il y a un récépissé. En tout cas, ça n'a pas existé. Tu t'es bien trésorière, Anne. On ne reviendra pas deux fois. Hein. Très, très dangereux de dire. Donc, il y avait Sloan, qui était une coopérative de cinéma militant, dont les statuts étaient belges, pour être plus discret par rapport au gouvernement et enfin à l'État français. Et moi, j'étais la seule employée réelle de Sloan. Je m'occupais de la distribution des films. Puis... en effet, il y avait à Sloan, en plus, cet appareil, il y avait aussi un 2100 qui traînait, qui venait peut-être de Godard, je ne sais pas. Donc là, le lien s'est fait un petit peu à ce moment-là. Non, pardon, non, j'étais pas très discret. Je suggérais à Catherine qu'on puisse faire circuler de quoi boire pour les intervenants. Excuse-moi, Anne. Du coup, j'ai raté mon coup de la discrétion. Donc, il y a eu ce mélange entre le fait qu'il y avait Paul et Carole qui avaient une petite unité qui commençait à exister, enfin, qui faisait des choses. Et puis nous, qui, à Sloan, avons trouvé aussi un 2100 et une grosse caméra. Mais bon, c'était pas... un peu la caméra comme celle qu'on voit dans le film, un gros machin qui était fait pour être sur un trépied. Et puis on a vu leur exemple et on a pu acheter une caméra qui existait, enfin un porte-à-pack, un système léger, qui existait chez Samuelson Alga en vente. Et c'était Ned Burgess, un Américain de passage, qui l'avait mis en vente, et on l'avait acheté à tempérament pendant 6 mois. Et Alga nous avait donné la possibilité de payer comme ça par petites tranches. Et on s'était un peu familiarisé avec cette idée de faire de la vidéo comme ça, mais c'est parce qu'on avait vu ce système fonctionnait chez Paul et Carole. Alors, on pensait faire ça à Sloane, faire en sorte qu'il fasse pas mal de sujets en vidéo, puisque c'était facile, gratuit, etc., qu'on ne se rendrait pas compte encore à quel point c'était compliqué la diffusion. Et vous parliez tout à l'heure vous disiez qu'on s'était heurté à l'hostilité des gens du métier. Ce n'était pas l'hostilité, non. Ils s'en fichaient complètement. Il n'y avait aucun danger pour eux. Simplement, ils ne voyaient pas ce qu'on pouvait faire avec. Oui, c'était compliqué. C'est tombé dans un lac d'indifférence. Il n'y a pas eu de... Comme il n'y avait pas de montage très facile, il passait à côté. Enfin, on n'avait pas de... Et Inger, qui dirigeait Sloane, trouvait très bien qu'on fasse une association, mais on était un peu à part, du coup. La circulation du matériel, ça c'est une question qui est très intéressante, parce que le matériel qui était déposé à Sloane Iskra, enfin à Sloane, en l'occurrence, Sloane. Pardon, c'était pas encore Iskra, ouais. Je vais me faire corriger aussi par vous et par Catherine, effectivement c'était que Sloane à l'époque, ce matériel à l'origine, il était celui de qui? Parce qu'il y avait une hypothèse qui avait été avancée, c'est qu'il aurait été peut-être... Justement, celui de Godard, oui, déposé, tu confirmes. On pense. À un moment donné, vous ne savez plus quoi en foutre. Je me rappelle toujours, il y a Chris qui est venu au Saint-Jacques. Et puis, on lui a dit, tu veux le prendre toi, on ne sait plus quoi en faire. Il a dit oui, oui. Et il est parti avec. Ah bon. Et nous, on a utilisé le 2100, c'est-à-dire le lecteur. Mais entre-temps, on était un peu... Entre-temps, on avait eu un petit peu là. On a vu le premier. Ouais, tu vois le pas comme ça, non, il était complètement gris. Donc le même matériel probablement que Carole acheté. Et Paul Roussopoulos, c'est que vous avez également acheté. Ouais. Donc vous, en 72 a priori ou 71 71. 71 l'achat, ouais. Du coup, de votre premier portable.